before setting off to find a dictionary for George, it's worth spending some time on asking for and receiving directions. You already know how to ask if there's a particular shop or business in the vicinity. Est-ce qu'il y a une librairie par ici? Another way of asking the question, est-ce qu'il y a, is simply, il y a. But remember, that usually means there is or there are. Par exemple, je ne sais pas s'il y a une librairie par ici, mais à la réception, il y a un guide de tous les magasins du quartier. If you want to use il y a to ask a question, you need to change the intonation. You do that by lifting your voice at the end. Il y a un exemple? Oui, un exemple. Il y a un téléphone près d'ici? So, to recap, in French, you can get away without a real question form by using the rising intonation. Il y a une bibliothèque par ici? Or simply by making a statement and putting est-ce que in front of it. Par exemple, est-ce que l'ascenseur est à gauche? Est-ce que vous êtes anglais? Est-ce que les croissants sont bons? Oh oui, délicieux. Mais est-ce que vous avez un autre exemple avec il y a? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un supermarché près d'ici? Un supermarché? Oui, en sortant d'ici, tournez à droite. Alors, prenez la première rue à gauche. Incidentally, notice how est-ce que, which ends in a vowel, and the first part of il y a, il, which begins with a vowel, become joined together. Est-ce que, il, est-ce qu'il y a? Listen and repeat. Est-ce qu'il y a? Still another way, in fact the most correct way of asking is there or are there questions such as is there a post office near here or are there any croissants for breakfast is with the structure y a-t-il? Y a-t-il? Écoutez. Et répétez. Y a-t-il? Par exemple. Y a-t-il un téléphone par ici? And another example. Un autre exemple. This time with the word for hospital. Hôpital. Un hôpital. Y a-t-il un hôpital près d'ici?